Nintendo on the track. Yes, sir. I'll start to back. Nintendo on the track. J'ai la grosse brique, je fais ma petite clique, je suis un vrai toxique. En poison. Je suis gelé, tout mêlé, j'ai volé. Tout le blé, le cash. Je suis en mécanique, je donne la petite réplique, je suis un vrai colérique. Haineux. Je fais la grosse pièce, je suis dans l'espace, je te crache dans ta face. Plein de trucs. Trop de cash dans le dash, je fais un slash comme un flash. Je suis une grosse menace, j'ai ma petite audace. Je suis un vrai dégueulasse, j'ai ma grosse liasse. Je suis dans ma whip, je te laisse dans ta crasse. Ta marre. Pas de temps pour les gants, je suis grand maintenant. Je suis grand maintenant. Je suis un vrai tabarnak, j'ai ton petit sac de crack. Je le sac dans le lac, je fais ma grosse pièce sans une petite trace. J'aime sur ta carcasse, je high sur le fly. Pas d'ail, juste du taille. Je suis un vrai sacripant, je suis très décapant, je suis le plus fatigant. C'est vrai. The trash. Yeah, bro. Tu vas chier. Je vais voir ça, con. Ah, tu vas chier. Tu sais, il s'en va 3 heures du matin. Tu sais que je t'en ai dit, tu sais quel, moi-même. Je suis dans ton stationnement, je fais mon visionnement, je veux le foisonnement. Gros joint, dans le coin, pas de soin, j'ai besoin. Pas d'hôpital. J'ai un vrai garnement, j'ai le tempérament, je baisse ton gouvernement. J'ai la grosse sacoche, j'ai les petites poches, je suis un vrai crush. Crush. Je suis boqué, tout fucked up, j'ai toujours voulu la Stanley Cup. Je suis une grosse caboche, j'ai ma petite galoche, je te laisse dans la roche. Un bâton. J'fais ma petite magouille, j'ai la grosse trouille, je suis une vraie fripouille. J'ai le gun, pour le fun. J'suis one, dans le run. J'suis un vrai Gatson, j'ai ma petite rengaine. J'te sac dans la scène. J'ai un gros paquet, j'fais mon petit banquet. J'suis un vrai bleuet. J'suis chaud, sur le lot. Pas de faux, pour le flow. J'suis une grosse vedette, j'ai ma petite miette. J'suis dans ta toilette. Yo, j'fais ma dernière ride. J'ai la gorge acide. J'suis dans le grand vide, j'suis blind. Sur le problème. Pas de thème, juste la haine. Je suis un fantôme, je quitte le royaume, je suis dans mon dôme. Back, back. J'ai mon petit poison. Je perds la raison, je suis hors saison. Tout pète dans ma tête, la quête est faite. Je suis un maudit chien. Je veux plus de rien. Je baisse ton destin. J'éteins la lumière. Je suis dans la poussière, je finis ma bière. Je suis mort. Dans le fort, pas de tort. Juste le sort, je suis le vrai déclin, je suis la fin du chemin, je suis ton venin. Back, back, c'est extend on the track. Bitch. The track.